bonsoir. Bienvenue à l'émission Les Échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Alors, ce soir, je vous propose un choix de musique varié avec, entre autres, plusieurs trucs de la France. Alors, sans plus tarder, on débute avec Madame Colette du français Ferdinand Richard. Chaque jour que je vais chez Antonio, je passe devant chez Madame Colette, la boulangère de la rue du Général de Gaulle. On se fait bonjour à travers la vitrine. Je fais toujours attention à mon profil gauche. Elle me regarde comme si j'étais un chou à la crème. Les petites vendeuses de la pharmacie se moquent de nous, mais on s'en fout, on s'en fout. C'est 120 kilos parfumés, surmontés d'une bouche pas plus grosse qu'une cerise. Ses petites mains potelées, aussi humides que ses grands yeux de génisse. Sa toute petite voix douce comme un bout de réglisse. Qu'est-ce qu'un vieux type comme moi peut demander de mieux? Dites-moi, qu'est-ce que je peux demander de mieux? Dites-moi, dites-moi. Madame Colette, un jour tu m'auras, je suis pas si bête. Je sais que t'as envie de moi, Madame Colette. Je suis pas une vedette, Madame Colette. Mais tu ne regretteras pas, Madame Colette. Je suis pas une vedette, Madame Colette. Mais tu ne regretteras pas. Mardi dernier, quand je suis arrivé dans son café, Antonio est sorti de derrière son bar moderne. Il est venu à la table où je m'assois toujours et il m'a dit: Jean-Robert, l'autre matin à 7h, en buvant son chocolat, elle m'a dit qu'elle aimait bien tes petits escarpins tressés, tes petites moustaches brillantes et ton joli veston rayé violet. Et elle m'a demandé si tu savais rendre la monnaie. Madame Colette, un jour tu m'auras, je suis pas si bête, je sais que t'as envie de moi. Madame Colette, je suis pas une vedette, Madame Colette, mais tu ne regretteras pas, Madame Colette. Je suis pas une vedette, Madame Colette, mais tu ne regretteras pas. Je vais arrêter d'aller à la maison de retraite. Toutes ces vieilles mémères me dégoûtent. Et puis elles me trouvent trop vieux. Et puis je supporte plus le champagne. Madame Colette, elle a un grand jardin, elle a son permis, on se promènera en auto le lundi, on ira voir les courses de chevaux. Madame Colette, un jour tu m'auras, je suis pas si bête, je sais que t'as envie de moi. Les platanes qui bordent la rue du Général de Gaulle sont juste assez grands pour me laisser passer. Les cyclistes et les automobilistes me font un chant joyeux de leurs avertisseurs. Et Hector, le balayeur noir, rigole tout seul au bord du trottoir. De la rue qu'on vient d'arroser monte l'odeur de mon enfance. Passereau, vous pouvez gazouiller, il est beau le matin d'été, il est beau. Madame Colette, un jour tu m'auras, je suis pas si bête, je sais que t'as envie de moi. Madame Colette, je suis pas une vedette, Madame Colette, mais tu ne regretteras pas. Madame Colette, je suis pas une vedette, Madame Colette, mais tu ne regretteras pas. Madame Colette, je suis pas une vedette, Madame Colette, mais tu ne regretteras pas. dimanche de beau temps, en vélo des balles. La route près de l'étang, la côte y passe, on val. Un tour c'était pas tant. Un tour c'était pas tant, nous emmenons nos casse-dalles. Nous sommes bien contents de partir au Jamal. Nous sommes bien contents de nos sorties amicales. Soir de printemps, nous allons même au bal. À quelques mécontents maintenant à l'hôpital. On a appris à temps qu'on était de vrais mâles. On aime l'amour brutal et pas les embêtants. L'abeille gratte-ciel, pendu à un arbre bleu. Tandis que le mime blanc tourne autour de la lune. La Sainte Vierge des puces laisse le lance-pierre du gamin. C'est la maison qui s'éclate dans le petit matin. Grand méchant loup, c'est pas loup, c'est pas loup. Qui craint le grand méchant loup, c'est pas loup, c'est pas loup. Bulldozer des jours gris, fout des constructions de gomme. Et les fous qui hypnotisent des épilepsies d'oiseaux. Qui craint le grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui craint le grand méchant loup? C'est pas nous, c'est vous. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Alors, je vous ai proposé dans ce premier bloc

les deux yeux des orbites, pour m'arracher ensuite deux ou trois doigts de pied, enfourner au plus chaud mon corps ainsi meurtri, ficelé façon rôti ou façon tourne-dos. L'enfer me semble un peu extrême et le climat peut tempérer. A priori, ce n'est pas ce que j'aime, cette histoire sans le brûler. L'enfer me semble un peu extrême et le climat peut tempérer. A priori, ce n'est pas ce que j'aime, cette histoire sans le brûler. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est chiant, hein? La la la la la la la la, c'est l'enfer. La la la la la la la la la la la la la la la. Les cigarillos sont cet avantage de faire le vide autour de moi. J'en apprécie le tabac et la prévenance. Les cigarillos ne sont pas comme moi, empreints de timidité, et leur agressivité est tout en nuance. Sans vous dire jamais rien qui vous blesse, il vous congédie avec tendresse. Ah, quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac. Ah, quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac. Les cigarillos me valent bien souvent les adieux éplorés des femmes de qualité et de courtisanes. Les cigarillos savent comme moi que ce ne sont pas mes beaux yeux qu'elles implorent, mais un peu la fin du Havane. Sans attendre que tout se consume, elles disparaissent dans la brume. Ah, quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac. Ah, quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac. Ah, quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac. Comme j'étais nostalgique, chagriné, abattu, d'humeur mélancolique et funèbre et déçu, j'suis sorti dans la nuit, dans l'obscur crépuscule. Perdu dans ce grand bruit, je suis le noctambule. Cette nuit peinte en bleu, je me suis égaré. Je rencontre un ivrogne, un pilier de bistrot, un soulard, un poivreau, à l'inquiétant de trogne, qui fulmine et aboie. Il éclate en menace, en colère contre moi. Comment briser la glace? C'est une blague, un bobard, une fable d'histoire. Drôle de mentalité, en plus il est armé, armé d'un pistolet et d'une catapulte. Un fatigue, quelqu'un complètement invalide. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans ce deuxième bloc un gigantesque slip du groupe français Klim Péré. Cet extrait de Improvisation with Myself, volume 4, Los Paranos, un album paru en 2010. Klim Péré est un groupe fondé en 1985 par Françoise Lefebvre et Christophe Petchanatz, et depuis 2002 par Petchanatz seul. Ça a été précédé par Les Cigarios de Serge Gainsbourg, cet extrait de Gainsbourg numéro 4, un album paru en 1962. Juste avant, vous avez entendu L'Enfer, du français Chasse-Loup, cet extrait de Collection 12, automne 2008, La Ferme de Rublé. Chasse-Loup, de son vrai nom Philippe Chasse-Loup, est un musicien originaire de Nantes. C'est aussi un des membres fondateurs du groupe nantais Les Jambons. On a débuté le bloc avec Mardi Gras du groupe français Les VRP. Cet extrait de Remords et Triste Paix, un album paru en 1989. Après la pause, Marie Modiano. D'un bateau, le premier soleil brûle plus fort que les autres. Un quart de siècle qu'il est là, dans le port, mais personne n'ose y entrer. On en voit parfois sortir de vieux marins au teint blafard, édenté, balafré, cortège de peinards longeant les murs de la ville forteresse. On leur jette au passage des cailloux, des injures et quelques tiges de mélèze. Mais ils avancent invincibles, indifférents, dans les ruelles de Nibérus. Pauvres zombies de Magadan, orphelins de la mer d'Okosk, griffant de leurs ongles jaunis les portes des maisons de chaux. Pour quelques pièces, il chante sous les arcades des chansons dans une langue lointaine qui vous déchire le cœur. Puis ils repartent l'âme lourde jusqu'au vieux port, où ils s'engouffrent à nouveau dans le squelette du navire. Thank you. vole d'arbre en arbre dans le ciel abandonné. Et le feu reste de marbre au fond du cœur exilé. Je m'étends les hirondelles quand les reverrai-je enfin. La mer et les mirabelles, le vent chaud et le jasmin. Dans le cou, les levées de soleil, les petits rendez-vous et les nuits sans sommeil. Je mourrai près d'une source que je n'aurais pas aimée. Je mourrai dans une course où je n'aurais pas bougé. C'est la chanson que l'on chante quand l'espérance est couchée. C'est la chanson très méchante que le diable m'a donnée. Pour bien faire la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quand les reverrai-je enfin. La mer et les mirabelles, le vent chaud et le jasmin. Dans le cou, les levées de soleil, les petits rendez-vous et les nuits sans sommeil. Je mourrai près d'une source que je n'aurais pas aimée. Je mourrai dans une course où je n'aurais pas bougé. C'est la chanson que l'on chante quand l'espérance est couchée. C'est la chanson très méchante que le diable m'a donnée. Pour bien faire danser la la la la la la tous les désespérés. La la la la la la qui se sont suicidés. La la la la la la. De trois coups dans le dos. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Alors, vous avez entendu dans le dernier bloc la pièce « Diabolo » de Areski Belkacem et Brigitte Fontaine. C'est extrait de l'album « Vous et nous », un album paru en 1977. Ça a été précédé par un extrait de la pièce « L'Odyssée du Petit Parleur » du duo français Grand Vémont. C'est extrait de l'album « Grand Vémont », un album paru en 2019. Grand Vémont, c'est un duo français constitué de Jocelyn Varango et Béatrice Morel-Journel. On a débuté le bloc avec « Sous les arcades de Nibrousse », de la chanteuse française Marie Modiano. C'est extrait de son disque Espérance mathématique, un album paru en 2013. Marie Modiano est la fille de l'écrivain Patrick Modiano. On enchaîne avec Fog on the Hudson, 425 West 57th Street de Moondog. In this next number, I demonstrate the quarter beat tempos. 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 and who for and what for I don't know. Thank you. toi écoute. Corazón, mi corazón latir por ti. Escucha. Écoute comment je fais battre mon cœur pour toi. Écoute. Tunta sapi, mazahard, mi marela kela. Kite kure, dore hodo boku ga kimi no tame ni mune o takanarasete iru ka. Listen, I'll make my heart beat for you. Le se, inch pesi de skezi hamar gizarne. Mon cœur pour toi, écoute. confuse. It could get the railroad for his records. It'd cut me with ease. It could thank you. It could be Frankie. It could be very fresh and clean. It could be a balloon. All these are the days, my friends. These are the days, my friends. It could get some wind for the sailboat. It could get the riddies. It could get the railroad for these workers. It could get the riddies. It could be a balloon. It could be Frankie. It could be very fresh and clean. These are the days, my friends. And these are the days, my friends. To get some wind for the sailboat, to cool in those few days. Get the railroad for these workers, could be a balloon, it could be Frankie, it could be very fresh and clean, it is my friend. But get some gasoline for his friend. Get some wind for the workers, it could be a balloon, it could be Frankie, it could be very fresh and clean. Get some gasoline for his friend. Some days, my friends, and some days, my friends. Get some wind for the sailboat, it could get those 4 days. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Je vous ai proposé dans le dernier bloc Knee Play One de Philip Glass et Robert Wilson. C'est extrait de l'album Einstein on a Beach, un album paru en 1979. Juste avant, vous avez entendu Écoute du musicien français Ramuncho Mata. C'est extrait de l'album Écoute, un album qui est paru en 1986. Ramuncho Mata est le fils du peintre chilien Roberto Mata. On a débuté le bloc avec Fog on the Hudson, 425 West 57th Street de Louis Thomas Arden, alias Moondog. C'est extrait du disque On the Streets of New York, un album qui est paru en 1953. Le musicien américain Moondog est né au Kansas en 1916 et est décédé en Allemagne en 1999. Juste après la pause, Meredith Monk et Robert Heen. Chiedarà si gran pato. Tos tu m'abbraccia, stringe pur mi bacia. Che in questa terra di me ne è più bella, caramella mi dolce già. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans le dernier bloc Voices of Spring, une pièce de Moondog, interprétée et dirigée par Joanna McGregor et le Britain Sinfonia. C'est extrait de l'album Sidewalk Dances, 14 Moondog Pieces, un album paru en 2006. Joanna Clare McGregor est une pianiste, compositrice et chef d'orchestre anglaise. Ça a été précédé par Ciara Mella, la chanteuse québécoise Karen Young. C'est extrait de l'album Âme, Corps et Désir, un album paru en 2007. On a débuté le bloc avec Keeping Warm de Meredith Monk et Robert Heen. C'est extrait de l'album Facing North, un album paru en 1992. Meredith Monk est une New-Yorkaise qui est née en 1942. C'est une compositrice, chanteuse, réalisatrice, scénariste, actrice, danseuse et chorégraphe américaine. On enchaîne avec John Fahey. My heart. my red shoes would go dancing where'er my fancy chose. I'd lark about the sidewalk, wear them fine clothes. If I were like city girls, if I had a fancy stage, my old true love will find me fair. you c'est déjà tout pour l'émission Les Échangeurs d'air de ce soir. Vous étiez en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Vous avez entendu dans ce dernier bloc Tommy Macum Fantasy de Mimi et Richard Farinha. C'est extrait de l'album Celebrations for a Great Day, un album qui est paru en 1965. Ce célèbre duo de folk était constitué de Margarita Mimi Baez, la sœur de Joan Baez, et de Richard George Farinha, né en 1937 et décédé en 1966, donc près d'un an après l'apparition de ce disque. Juste avant, vous avez entendu Morning Dew, des musiciens et chanteurs américains Martin and Neil, de leur nom complet Vince Martin et Fred Neil. C'est extrait de l'album Tear Down the Walls, un album qui est paru en 1964. Juste avant, vous avez entendu Ribbon Bow, de la chanteuse et guitariste américaine Karen Dalton. C'est extrait de son album It's So Hard to Tell You Who's Going to Love You the Best, un album qui est paru en 1969. Karen Dalton était une chanteuse et guitariste de folk et de blues américaine, née en 1937 et décédée en 1993. On a débuté le bloc avec Dance of Death, du guitariste et compositeur américain John Fahey. C'est extrait de The Dance of the Dead and Other Plantation Favorites, un album paru en 1965. John Fahey est né en 1939 et décédé en 2001. Alors c'est tout pour nous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.